Pourquoi il en reste 4%? Cela n'aurait échappé à personne, le monde est en ébullition. Il est d'ailleurs en ébullition depuis la nuit des temps, ouvrant de nouvelles voies, de nouvelles haines, de nouvelles joies ou de nouvelles peines. En 2011, nombreuses sont les cocottes minutes sonnantes et inquiétantes. Il y a bien sûr la crise du capitalisme, la montée du fondamentalisme et les nombreux SOS de terriens, parfois chrétiens, en détresse dans un monde arabo-musulman en pleine recherche du sens de la liberté. Mais en 2011, il y a aussi la question primordiale de l'éthique, qui nous renvoie au cœur de la vocation de l'homme, la charité. Certains lecteurs de ce blog auront certainement suivi les débats sur l'euthanasie qui ont connu un récent écho médiatique. Moins nombreux peut-être sont ceux qui suivent régulièrement les évolutions des débats bioéthiques au sein de notre bien-aimé Parlement. Aussi avons-nous décidé de faire du journalisme et de zoomer sur une petite phrase signifiante d'un de nos étranges élus. Alors que le Conseil d'État faisait pour la première fois état de la suppression en France de 96% des enfants à naître diagnostiqués porteurs de la trisomie 21, le dit petit de lingue Xavier Breton, UMP, proposa à la Commission spéciale sur la bioéthique l'examen d'un amendement visant, je cite, « dans un souci d'information complète et objective, à remettre à la femme enceinte une liste des associations spécialisées dans l'accompagnement des patients atteints de l'affection recherchée et de leur famille ». Amendement intéressant, sur lequel chacun peut avoir son avis mais qui ne mérite certainement pas la fameuse remarque scandaleuse du député de l'Ardèche Olivier Dussault, PS. La vraie question que je me pose, c'est pourquoi il en reste 4%. Oui tiens, pourquoi certaines familles totalement idiotes accueillent-elles avec amour ces 4% d'enfants trisomiques plutôt que d'utiliser la méthode radicale de ce cher Olivier Dussault? Il y a des questions qu'on ne préférerait pas entendre, car la réponse est simple, la charité. Pourquoi il en reste 4%? L'Occident a trop souvent l'attitude incompréhensible d'un âne têtu qui la perdra. Il voit ses modèles économiques et sociaux se déliter sans avoir l'audace de réfléchir à son corpus de valeurs et à son modèle moral. Pourquoi il en reste 4%? Avant-hier, l'Europe refusait d'appeler à la liberté religieuse dans le monde par peur des conséquences. Hier, l'Assemblée nationale refusait un débat sur l'eugénisme. Et demain? Peu importe les réponses que chacun apportera à ces questions. L'important est de permettre de débattre. L'enjeu est quand même de taille. Liberté et charité. La charité, ce n'est pas rien. La charité est le cœur de notre civilisation. La charité est la vocation ultime de l'homme. Benoît XVI nous le rappelle avec justesse et intelligence à chacune de ses interventions. Raisonnons, cultivons-nous, réfléchissons pour pouvoir faire consciemment le choix du bien qui seul nous rendra libres. Si on évite le débat, on empêche le choix et on condamne le chemin qui nous mène au bien. Dans la préface d'un nouveau catéchisme, le pape le dit bien mieux que moi. Certaines personnes me disent que le catéchisme n'intéresse pas la jeunesse actuelle, mais je ne crois pas à cette affirmation et je suis sûr d'avoir raison. Elle n'est pas aussi superficielle que l'on pense, les jeunes veulent savoir ce en quoi consiste vraiment la vie. Et oui, la vie mérite qu'on l'aime, et s'il n'y a que 4% de justes, ils peuvent sauver le monde.